pouvoir n'y arriver. On n'a pas de dossard pour la course, faut pas rêver. On n'aura pas de sponsor, je le sais depuis la cour. La route tourne et on tourne avec cette pute. La vie est son vrai visage, nous on est juste son excès de pub. Mimi Marianne, je vous ai vu grandir alors c'est la famille. Je m'inquiète autant pour votre sort que de celui à Fanny. Puisque Marianne envoie nos proches à Seis. Les gars, cessons de vider nos poches, d'enlever nos ceintures et lacets. La garde à Brest, nous en loin. La volaille aussi, ouais. Moins épargnons la daronne d'aller travailler à l'usine. Tenez la baraque pendant qu'Arnaud mange la gamelle. De retour derrière les barreaux où l'or devient la camelle. Et Annie, ferme les yeux quand le policier tape maman, ouais. Tu comprendras plus tard, c'est leur façon de nous mettre à l'amende. Tu comprendras pourquoi, et si vulgaire avec eux tonton fut. Pourquoi papa leur fait la guerre et les fait chier dans leur fut. Laisse-moi applaudir Bauty, et t'auras beau dire ce que tu veux. C'est un bonhomme qui ne porte pas de bottines. Reste plus à sa façon de faire, aujourd'hui c'est rare. Tomber seul sans amener ses frères ou son maudit les rats. Non, c'est pas ma faute, mon rap est bousillé. Crois-tu qu'il pousse les poteaux au peloton pour se faire fusiller. Nos vies en fait sont monotones et mortelles. Ouais, c'est la fête, mes molotovs sont les cocktails. Je cours essoufflé dans cette spirale infernale. Et tous les jours, moi j'ai la même phrase, j'ai rien à faire là. Entre la vague sur la réserve et le portefeuille vide. Apprendre à laisser ses échapper ses rêves, faire le deuil vite, on est seul, on meurt seul. Je sais pas qui a dit ça, mais lui et nous on devait avoir la même vie. Autrement dit ça, y'aura pas de départ, pas de débat. Pour nous rien que des bras. Alors j'ai transformé la basse en une impact de bras.